l'ensemble, la femme aime ça, l'homme aime ça. Les enquêtes sur la sexualité aujourd'hui, les rapports Kinsey ou l'Occident face à son intimité. J'ai réparti la population américaine en 200 sous-groupes sociaux majeurs. Nous aurons quelque chose comme 400 à 1000 témoignages différents par groupe, ce qui donnera un total de 100 000 à peu de choses près. Ça peut prendre 20 ans, mais ensuite nous serons enfin capables de répondre à la plupart des questions basiques sur la sexualité humaine. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Kinsey, en deux rapports, a fourni les premiers travaux qui ont voulu, après-guerre, non plus distinguer les comportements sexuels déviants des normaux, mais seulement les décrire. Pour savoir ce qu'on fait, disait-il, sachons ce qu'on a fait. Le professeur Kinsey, c'était alors un professeur qui enseignait à l'université de Bloomington, dans l'Indiana, et il enseignait l'entomologie et la zoologie, on dirait chez Mathieu Vidard, l'éthologie. C'était un aimable quinquagénaire, aux allures de père tranquille. Enfin, on verra que ce portrait est aujourd'hui remis en cause. Mais commençons par ce qu'a dit longtemps la tradition. Ainsi, Michel Lebris. La normalité absolue, nœud papillon, cheveux en brosse, qui avait épousé la première femme qu'il avait rencontrée et qui vivra toute sa vie avec lui, qui roulait d'ailleurs dans la même, qui roula toute sa vie dans la même voiture, très fier de l'avoir fait tenir 300-400 000 miles. Pas un révolutionnaire, votre gars. Non, qui avait pour passion la musique classique, ce qui fait qu'il réunissait ses étudiants et ses collègues le dimanche pour écouter de la musique classique. D'ailleurs, un couple, un jour, avait proposé de mettre un disque de Boogie Woogie et il n'avait plus jamais été invité à partir de ce moment-là. Religieux, le deviendra moins après, mais non, d'une bonne éducation religieuse. Et d'ailleurs, il enverra ses enfants scrupuleusement au catéchisme. En fait, son vice essentiel était le travail et la science. Et puis la collectionnite aiguë, il avait commencé par des timbres et puis malade, s'était pris de passion pour la nature et c'était devenu sa voie, l'étude de la nature. Il avait écrit assez jeune un petit livre d'ailleurs sur que font les oiseaux quand il pleut, pourquoi la mer est-elle salée, pourquoi est-elle bleue, pourquoi le ciel est-il bleu, etc. Ce genre de questions, quand on se la pose, on ne sait jamais trop où on met les pieds, répondre. Voilà. Et donc, il avait commencé dans la carrière par un livre qui s'appelait Les plantes comestibles d'Amérique du Nord, qui avait été élu le livre le plus important de l'année par la société horticole du Massachusetts. Et il était très célèbre dans son université, un prof remarquable, adoré de ses étudiants, fameux pour une collection, paraît-il, absolument unique de guêpes. Alors la question est posée à l'université de Bloomington au professeur Kinsey, comment fournir aux étudiants qui vous aiment un enseignement minimum sur la vie sexuelle, ne serait-ce que pour limiter le péril vénérien? Faut-il l'inscrire dans des cours d'hygiène ou lui donner une dimension plus anatomique? Alors Kinsey se charge de la tâche à sa façon, qui apparaît d'emblée peu conformiste. Pourquoi organiser un cours sur le mariage? Parce que la société s'est mise en travers de ce qui devait être une évolution biologique naturelle, causant un retard scandaleux de l'activité sexuelle, menant à des problèmes sexuels lors des premiers temps du mariage. Dans une société libérée, un gamin de 12 ans en sait plus sur la biologie que ce que je vais devoir vous enseigner. Bien, commençons par les 6 stades de la séquence coïtale. Stimulation, lubrification, érection. Augmentation de la sensibilité. Orgasme et détente soudaine. Les deux sexes passant l'un comme l'autre par la totalité des 6 stades. Stimulation. Qui peut me dire quelle est la partie du corps humain qui peut grossir 100 fois? Mademoiselle? Mais je n'en ai aucune idée. Et c'est un cours mixte, vous n'avez pas le droit de me poser cette question. Je faisais référence à la pupille de votre œil, jeune fille. Et je dois vous avertir que vous allez au-devant d'une terrible déception. C'est bien souvent par l'œil que commence la stimulation. Bon, ceci, c'est un extrait d'un film de Bill Condon sur Kinsey que nous utiliserons beaucoup, peut-être trop. C'est un film de 2004 qui est donc marqué par les questions de notre époque. Il n'est pas sûr que dans les années 1950, une étudiante ait protesté de la façon qu'on vient d'entendre en disant qu'on ne pouvait tenir certains propos dans un cours mixte. Il s'agit là d'une attitude très contemporaine. On sait qu'aux États-Unis, certains étudiants demandent aujourd'hui des safe space pour ne pas être atteints par tel ou tel sujet qui pourrait heurter leur sensibilité. L'évocation d'un viol dans un roman, cela peut de nos jours demander protection. Les étudiants de Kinsey, à la fin des années 50, à la fin des années 40 déjà, se laissaient sans doute davantage diriger par la curiosité. En tout cas, lorsque leur professeur décida de se hasarder plus loin qu'un cours et de lancer une enquête, quelques-uns d'entre eux acceptèrent de devenir ses collaborateurs. Il s'agissait de constituer un large échantillon de population et de soumettre un questionnaire très détaillé à ceux qui allaient le composer. Ne t'assieds pas si loin. Tout ce qui crée une impression de distance doit être évité. Bien. Évite de froncer les sourcils. Excusez-moi, je fronçais les sourcils ? Il faut te détendre. Comment veux-tu que je m'ouvre à toi si tu n'es pas détendu ? C'est vrai. Prends une bonne inspiration. Recommence. Comme vous le voyez, cette feuille de papier est partagée en petits rectangles. Il y en a 287. Vos antécédents sexuels vont tenir sur cette seule page sous une forme codée. Le sujet interrogé ne sera sincère que s'il sait que ce qu'il dit restera confidentiel. Bien. Bon, alors... Donc, votre date de naissance? Le 23 juin 1894. Célibataire ou marié? Marié. Quelle est votre race? Ne perds pas de temps à demander ce qui est évident, Martin. Remplis-le toi-même. Comment vous entendiez-vous avec votre mère et votre père quand vous étiez jeune? C'est une double question. Je peux ignorer l'une des deux si je ne veux pas y répondre. Comment vous entendiez-vous avec votre mère? Bien, nous étions proches l'un de l'autre. Et votre père? Comment vous entendiez-vous avec votre père? Alors, à dire le vrai, Kinsey ne s'interdit pas de compléter son échantillon de population en s'intéressant, par exemple, aux condamnés pour affaires de mœurs. Les papiers, journaux intimes qu'ils ont pu rédiger vont enrichir son tableau de chasse. Celui-ci était déjà composé de volontaires. On dira qu'en y ajoutant des prisonniers, il fait pencher la balance en faveur de comportements délibérément non orthodoxes. En tout cas, cette fringale d'informations de Kinsey nécessite des moyens que son université d'Indiana ne peut seule lui offrir. Il va bientôt les trouver auprès de la fondation Rockefeller. Dès 1948, le voilà en mesure de publier un premier rapport. La première des trois parties, très longue, concerne l'historique du projet, la défense de la méthode, et le reste est centré sur le comportement sexuel des hommes. Le livre compte plus de 1000 pages. Il est bourré de tableaux. Son style est tout sauf affriolant. Et pourtant, aux États-Unis, les acheteurs ne se découragent pas. C'est un énorme succès de librairie. En France, l'éditeur Maurice Nadeau sent la bonne affaire. Il diligente une traduction. Et le livre paraît dès 1949 dans une petite maison, comme il en avait fleuri beaucoup après la libération, et qui s'appelait Le Pavois, la tribune de Paris à la Radio Nationale Française. Qu'apporte de nouveau le rapport Kinsey à la connaissance des problèmes sexuels? C'est la question que nous posons ce soir. Albert Baillet. L'appareil scientifique de l'enquête Kinsey se présente sous une forme qui peut émouvoir ceux qui n'ont pas l'habitude des travaux sociologiques. Les statistiques sont présentées selon, peut-on dire, le dernier écrit en la matière, et ce dernier écrit signifie, en effet, que nous avons mis au point en sociologie des utilisations valables de la méthode statistique. Or, nous avons une méfiance profonde pour ces procédés d'enquête. La méthode d'enquête s'est avérée décevante. Quand un individu vient raconter sa vie sexuelle à un enquêteur, nous nous demandons comment l'enquêteur peut avoir la naïveté de le croire. D'abord, comment l'enquêté se rappelle-t-il tout ce qu'on lui demande? Car il faut voir ce qu'on lui demande. Et à supposer qu'il ait envie de dire la vérité, ce qui est exceptionnel en ces matières, ce qui est deux fois exceptionnel lorsqu'il s'agit de phénomènes sexuels, eh bien, et qui nous garantit que même voulant la dire, il l'a dit. Docteur Logre ? Eh bien, du point de vue médical et psychiatrique, je ne puis que m'associer aux observations de M. Baillet. Le rapport Kinsey est l'œuvre d'un naturaliste entomologique. Il nous dit qu'il a transporté de l'étude des insectes à l'étude de l'homme les procédés dont il s'était servi avec succès en biologie. Or, je crois que c'est une méthode assez dangereuse, car les insectes n'ont pas de psychologie, ont donc une faible psychologie, alors que lorsqu'on s'adresse à l'homme, on se trouve en face d'une psychologie d'autant plus compliquée et d'autant plus décevante qu'il s'agit de phénomènes sexuels. L'expérience montre que c'est dans les phénomènes sexuels qu'on trouve le plus souvent ces deux éléments qui faussent tout témoignage, d'une part la dissimulation et aussi la mythomanie. Et j'ai tendance à croire que la dissimulation est fréquente et Kinsey semble s'en être beaucoup préoccupé, mais que la mythomanie est encore plus fréquente et il faut bien dire que Kinsey semble s'en être préoccupé assez médiocrement. Révérend Père Dubarde, je ne dirais qu'une chose. Le rapport Kinsey, avec toutes ses faiblesses, rend peut-être un certain témoignage à la spiritualité de l'homme. À un moment, il parle de l'activité sexuelle totale de l'homme comparée à celle des singes supérieurs qui lui sont le plus proches. Et il se trouve que cette activité est deux fois moindre. La statistique ici nous montre l'effort de l'homme, et cet effort dont le docteur Kinsey ne nous parle pas, qu'il semble même méconnaître, a toute sa grandeur. Alors dans la France de 49, le langage alors dominant de la guerre froide a beau avoir comparé le rapport à une bombe atomique, on devine qu'elle est vite désamorcée. Le livre qui, en France, marque bien davantage en 49, c'est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, dont le propos est bien différent. Pourquoi le deuxième sexe d'ailleurs? En matière de performance, la femme n'est-elle pas capable d'orgasmes beaucoup plus fréquents que l'homme? C'est ce que va révéler le deuxième rapport que prépare Kinsey et qui est donc davantage consacré aux femmes et à leur comparaison avec les hommes. Le texte est moins long, 730 pages seulement. En France, le Pavois ayant disparu, c'est Amiot Dumont qui assume la traduction. Si le style est plus léger, la précision du vocabulaire peut faire des difficultés, parce que Kinsey, c'est un homme à distinguer la caresse légère de celle qui pousse jusqu'au cou et le baiser mouillé de celui qui serait plus profond. « Kiss French », dit-il. Alors cette fois, le traducteur est ravi. Ce second rapport fait l'objet, en 1954, à la radio, d'une nouvelle tribune de Paris, toujours fidèle au poste. Le comportement sexuel de la femme. Sous ce titre a paru récemment la traduction française du second rapport Kinsey. Que pensent nos psychologues, que pensent nos psychiatres de cet ouvrage? C'est ce que nous demandons ce soir à quelques-uns d'entre eux. Mesdames et messieurs, il est bien certain que dans cette conversation, nous n'allons pas aborder le fond du problème. Je crois que nous pouvons en rester, et c'est peut-être au fond ce qu'il y a de plus intéressant dans le rapport Kinsey, à la méthode. Voulez-vous, docteur Jacquemart, nous dire, puisque vous êtes le traducteur de cette œuvre importante, ce que vous paraît être cette méthode? Le docteur Kinsey sait très bien qu'il y a des erreurs. Il les calcule. Oui, c'est vrai. En particulier, dans son premier livre, il a fait une critique qui est même assez poussée de ses propres méthodes. Il considère qu'il y a des erreurs qui se sont glissées et il essaie de les calculer. C'est d'ailleurs dans toutes les méthodes d'échantillonnage une nécessité. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Évidemment. Docteur Marguerite Cailleux. Il dit que les peuples heureux n'ont pas d'histoire et les femmes satisfaites non plus. Elles ne parlent pas en général. Alors vous considérez donc que toutes elles les femmes... Elles parlent moins. Toutes les femmes qui lui ont parlé étaient des femmes insatisfaites, donc névrosées. Maintenant, n'est-ce pas un seul... Non. Je me permets Madame de vous demander pardon. Non, oui. Ce sont les femmes américaines. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre, vous c'est un autre avez-vous point, été ça, en ça, Amérique? Non. Pas eh bien, justement, enfin, ça, il faut considérer ce qu'est la vie des femmes en Amérique. Elle est tout de même très différente de la vie des femmes européennes. Étant donné que là-bas, il y a des quantités de clubs de femmes, que les maris ne paraissent pas de la journée. Le mari part à 9h au bureau, il rentre le soir à 6h, il va jouer au golf à 6h, on le revoit à 8h30. La vie des femmes est très différente et probablement qu'il y a là une espèce d'obsession de la sexualité qui existe beaucoup moins, je crois, chez la femme française, qui est tout de même beaucoup plus en rapport avec l'homme. Et l'homme fait beaucoup plus attention à la femme en France qu'il ne fait attention en Amérique. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand un Français arrive en Amérique, toutes les femmes se précipitent sur lui comme des feux. Parce qu'il a des heures libres dans l'après-midi. C'était le point de vue de Madame Simone, une grande comédienne qui était liée familialement avec une sommité de la radio. Bon, on ne va pas aborder le fond. On notera la capacité d'esquive des débatteurs de la Tribune de Paris. Parce que s'attarder à mettre en cause la méthode, c'est éviter de prononcer sur les ondes certains mots qu'on n'est pas habitué à y entendre. Devant la chambre à coucher, continue de veiller des anges de pudeur qui mettent le doigt sur les lèvres. Pensez au vocabulaire tout de discrétion qui est alors celui d'un Charles Aznavour, pourtant pionnier en la matière. Tu glisses tes doigts par ma chemise entrouverte et pose sur ma peau la paume de ta main. Et les yeux mi-clos, nous restons sans dire un mot, sans faire un geste. Après l'amour, quand nos corps se détendent, après l'amour, quand nos souffles sont courts, nous restons étendus, toi et moi presque nus, heureux, sans rien dire, éclairés d'un même sourire. Mais direz-vous, au bout d'un quart d'heure, qu'est-ce qu'il y a dans ces rapports qui ne sait ? Heureusement, les chansonniers le disent. Roger Pierre œuvre à l'époque avec Jean Richard, qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Je suis sûr que dans la salle ce soir, il y en a parmi vous qui sont des pratiquants de la chose. Car comme dit qui ne sait qui lui sait, on n'est pas de bois. Et pour ceux d'entre vous qui seraient un peu demeurés et qui suivraient difficilement, je vais vous causer statistiques. 50% des bonnes femmes américaines ont reçu des propositions malhonnêtes avant l'âge de la compétition. 30% des bonnes femmes aiment mieux aller au cinéma que d'avoir une séance gratuite à la maison. Mais 70% se contentent de la dite séance en regrettant que ça ne reste pas permanent. Autrement dit, un bon nombre de bonhommes qui s'embêtent pas avec leurs bonnes femmes. Enfin, des chiffres. En plus, ils sont pas faux. Le rapport n'en est pas avare, qu'il s'agisse de la fréquence des rapports sexuels dans les couples mariés ou des relations extra-conjugales, qui ne sait, insiste, elle concerne la moitié des hommes mariés. Quant à la masturbation, elle est quasi universelle. Sa pratique témoigne que les pulsions sexuelles n'attendent pas le mariage, ni même l'âge de la majorité légale. Les lois des États américains étant alors ce qu'elles sont, bah il faudrait arrêter 85% des jeunes gens du pays. Seuls 4 États, à l'époque, ne considèrent pas l'adultère comme un délit. Et dans d'autres, la séduction, non suivie de mariage, est susceptible de 20 ans d'emprisonnement. Tout en voyant bien que ces travaux appellent à une modification profonde du droit, qui ne sait continuer, un pas vide, son travail de documentation. À l'université de Bloomington, un véritable institut désigné couramment par son nom s'est mis en place, toujours aidé par la fondation Rockefeller. Ses vieilles habitudes de zoologue lui ont fait constituer des collections d'objets, on devine lesquels, de films, de photographies. Et Kinsey a eu marre, à un moment donné, d'entendre dire que un sexe était un sexe. Et il a dit, mais des sexes, il y en a des millions. Et des sexes, ils ne se ressemblent pas. Ils sont comme nous, nos sexes. Et il a demandé aux photographes assermentés, salariés même après de l'Institut, qui s'appelait William Dellenbach, de photographier, selon un dispositif bien défini, régulier, sans fioriture, sans interprétation, une multitude de sexes, masculins ou féminins, et de poitrines. pour pouvoir dire, ben voilà, regardez la différence qu'il peut y avoir, les différences. Ça, c'est aussi le côté taxinomiste de Kinsey, qui se base toujours sur la quantité, hein, pouvoir comparer, pouvoir mesurer, et pouvoir travailler comme ça sur un nombre très important, je dirais, d'exemplaires. Donc Dellenbach a fait toutes ces photographies à la même distance, vraiment une façon objective, scientifique. Bon. Bon, oui, des photos d'appareils sexuels, comme on ferait des photos d'identité judiciaire. Mais Kinsey et ses collaborateurs ont collectionné aussi des images d'action ou acheté des photos du baron von Gleden, celui qui, à Taormina, en Italie, faisait poser des adolescents dans des paysages de ruines. De là à rapprocher notre homme du fameux Magnus Hirschfeld, qui dans le Berlin des années 1920 avait créé un centre de documentation que les institutions officielles jugeaient sulfureux et que les nazis mirent à sac. Kinsey disparaît dès 1956. Dans les années de la révolution conservatrice américaine qui inaugure la présidence Reagan, les soupçons lèvent. En 1990, une professeure de communication, Judith Reisman, commence à tirer à boulets rouges. Sa fille de 10 ans a été violée par un adolescent de 13 qui lisait Playboy. La subversion sexuelle initiée par Kinsey menacerait les familles. Le film de Condon, vous vous souvenez, 2004, nous y revenons, suggère que l'entourage du professeur lui-même s'était senti menacé. Et toi, Anne? Tu sors avec Jim depuis un moment? On s'est déjà caressé. Je pense qu'on attendra la fac pour les rapports complets. C'est certainement préférable. Si Anne peut avoir des rapports, je devrais en avoir aussi. Ta sœur a 18 ans et fréquente un garçon depuis plusieurs mois. C'est douloureux. Quoi, chérie? La déchirure de l'hymen. Oh. Un peu. Rien de trop méchant. Ça aide de bien écarter la vulve pour faciliter la pénétration. On pourrait parler d'autre chose pour une fois. Les autres familles ne font pas ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui te permet de me parler comme un pharisien? Mes copains n'ont même pas le droit de venir ici. Leurs parents te trouvent pervers. Tu as passé trop de temps dans l'eau, Bruce. Sous ce chlore, t'as attaqué le cerveau. Tu n'as rien retenu? Il y a vraiment des fois où je me demande d'où il sort. Rien! Alors, ce qui fait particulièrement débat, c'est l'observation de l'homosexualité par Kinsey. Le professeur évite d'employer le mot, comme il évite de parler d'hétérosexualité, même de bisexualité. Si constate-t-il, 37% des hommes ont pu avoir une expérience homosexuelle génératrice d'orgasme, et que seulement 4% sont exclusivement homosexuels. C'est bien qu'il existe une gamme très large sur laquelle on peut jouer alternativement. Un continuum, en somme. Une échelle que Kinsey fait aller de 0 à 6 afin de distinguer les différents comportements entre complètement hétérosexuel et complètement homosexuel. En témoigne à sa façon le chanteur Walter Biella, 2010. C'est ainsi que, grâce à Kinsey, on peut faire une chanson rien qu'avec des chiffres. Une fois l'échelle ainsi magnifiée, on comprend que Kinsey lui-même aurait été tenté de la parcourir. Le film de Condon, encore lui, ne dit pas qu'une motivation personnelle l'habitait dès le départ, mais sa curiosité aurait eu pour conséquence l'expérimentation. Ici, avec un de ses collaborateurs, en visite avec lui dans le quartier gay de Chicago. Vous savez ce qui m'a impressionné ce soir ? La manière dont vous parlez aux gens. Vous arrivez à les amener presque tous à se confier à vous. Oh. Ça n'est pas si compliqué, il suffit de se mettre à leur niveau. Non, c'est plus que ça. Vous leur donnez l'impression qu'ils comptent. Votre échelle de classification. De 0 à 6. 0 étant exclusivement hétérosexuel et 6 étant exclusivement homosexuel. La majorité des gens se situe quelque part au milieu. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vrai ? Ben, le bon sens. Tu te souviens, un tiers de nos témoignages hétérosexuels relatent des expériences homosexuelles et vice-versa. Oui. Je dois être à peu près à 3, hein ? D'après tes antécédents sexuels, je dirais que c'est... Exact. Et pour vous ? Je pense avoir été à 1 ou 2 la plus grande partie de ma vie. Même s'il m'a fallu très longtemps pour le reconnaître. Et maintenant ? Je pense que je suis... 3. Vous avez déjà franchi le pas ? Vous aimeriez ? Bon, les deux biographes américains reconnus de Kinsey ne diraient pas que la scène qu'on vient de voir évoquer s'est déroulée exactement comme il est dit. Mais enfin, il est clair qu'un des terrains sur lesquels la droite conservatrice attend le professeur, c'est celui de la virilité qu'il faudrait restaurer. Mais si Judith Reisman, la dénonciatrice numéro 1 de Kinsey, obtient autant d'échos, c'est parce qu'elle le classe au rang des pervertisseurs de l'adolescence et même de l'enfance. Elle fait entendre qu'il était lui-même un pédéraste. En tout cas, dit-elle, ni lui ni ses biographes n'ont jamais abordé la question. C'est donc qu'elle est centrale, conclut-elle. Ses nombreux livres, qui le présentent comme le coupable idéal de tous les dérèglements contemporains, sont vulgarisés en français dans une maison fondée par Alain Soral, mais aussi par un éditeur intégriste catholique qui reprend à son sujet le vocabulaire contre-révolutionnaire fixé depuis le début du 19e. Ce qui avait été prévu dans les loges maçonniques se réalise dans le maléfique laboratoire de la fondation Rockefeller, et voilà que le monde est plongé dans l'immoralité criminelle. On a longtemps associé la sexualité à la faute, il est dorénavant associé à l'effroi. Walter Laqueur, le grand historien du sujet, constate que maintenant, dans les séminaires universitaires qui sont consacrés à la sexualité, il n'entend parler que de douleur et de punition, bien rarement de plaisir. Ça, c'est Kinsey en France. Et puis demain, nous parlons du rapport du docteur Simon, qui a été rendu au début des années 1970. Il y a 30 ans, le docteur Kinsey publiait le premier rapport du genre sur la sexualité des Américains au prix de difficultés considérables. Aujourd'hui, le travail de l'équipe du docteur Pierre Simon est préfacé par M. Boulin, ancien ministre de la Santé publique, qui déplore l'ignorance qui vous culpabilise. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Elisabeth Collet à la technique, Étienne Bertin à la réalisation. Demain, nous recevrons à propos du rapport Simon, sa fille, qui est une grande historienne.